Le premier parmi les 10 moyens par lesquels le serviteur peut obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec réflexion, avec la recherche de ses sens et de ses significations, en méditant sur ses sens. Le deuxième, الثاني, التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. Le deuxième moyen, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant les œuvres surérogatoires. Et lorsque le serviteur fait les actes surérogatoires après avoir fait ce qui est obligatoire, eh bien, cela fait en sorte que par la suite, il devient quelqu'un que Allah aime et il obtient l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. Le troisième moyen pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de constamment rester dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça signifie de se rappeler de lui par la langue, par le cœur, et par l'action, et par l'état. Et donc le serviteur d'Allah, il aura de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala selon la proportion et le degré de ce rappel qu'il a dans son cœur de son Seigneur. الرابع السبب الرابع إثار محبه على محبك يعني على محب نفسه عند غلبات الهوى والتسنم إلى محبه وإن صعب المرتقى. C'est-à-dire que le quatrième moyen par lequel le serviteur obtient l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lorsqu'il a un conflit entre ses passions et ses désirs et ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, il fait passer ce que Allah aime par-dessus ses désirs et ses passions et les choses qu'il veut pour lui-même. Le cinquième, الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة الجهمية قطع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب الله سبحانه وتعالى. Un des moyens par lequel on peut obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lorsque le cœur du serviteur médite et réfléchit sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il les apprend et qu'il est témoin de des effets de ces noms, et qu'il les connaisse. Et donc après les avoir connus et après avoir connu Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs, eh bien c'est obligatoire qu'il aimera son créateur et son Seigneur. Et c'est pour cette raison que ceux qui sont tombés dans l'égarement de nier les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont en réalité des hommes qui ont coupé le chemin pour obtenir justement l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour qu'il y ait justement cet amour entre le cœur des serviteurs et leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Le moyen numéro 6. السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمته الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته. Le sixième moyen par lequel le serviteur obtient l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en étant témoin des bonnes choses que Allah subhanahu wa ta'ala fait pour ses serviteurs et de ses bienfaits et de ses grâces. Et les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas seulement celles qu'on peut voir. Parfois, ce sont des grâces qu'il nous fait qui sont cachées, qui sont intérieures. Et donc, il faut tenir compte justement de toutes les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que la plus grande des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la foi, c'est l'iman. Et donc, remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses grâces et être conscient de ces grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça nous amène et nous pousse vers le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. السبب السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. Le septième moyen d'avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'avoir يعني, le cœur qui se brise devant Allah subhanahu wa ta'ala يعني, et de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une des choses qui fait que justement le serviteur obtient et se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et obtient son amour. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه. نعم. Donc, un autre moyen qui est également très puissant et très fort pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de se recueillir seul avec Allah subhanahu wa ta'ala durant la nuit, au dernier tiers de la nuit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux. Donc le fait de se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là, eh bien c'est un moyen par lequel le serviteur obtient l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم يختم ذلك بالاستغفار والتوبة. Et ensuite il termine cela par le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses péchés et par la repentance à Allah subhanahu wa ta'ala. والتاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطيب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطيب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. Un autre moyen par lequel le serviteur obtient l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en restant assis avec les gens qui sont parmi ceux qui aiment réellement Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont sincères, et d'essayer d'attraper ou de chercher les bonnes paroles qui sortent de leur bouche comme les bons fruits qui tombent d'un arbre. Et donc, dans ce cas, tu dois parler uniquement de ce qui est bon et de ce dans quoi il y a un bienfait. Et si tu réalises que lorsque tu veux parler, la parole qui va sortir de ta bouche, c'est pas quelque chose dans lequel il y a un bienfait, eh bien, retiens-toi de dire cette parole et ne dis que ce qui peut avoir un bienfait pour toi-même ou pour les autres. والسبب العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله. C'est-à-dire de s'écarter de toute chose qui peut s'interposer entre ton cœur et Allah subhanahu wa ta'ala parmi les distractions et les choses qui distraient de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. فمن هذه الأسباب العشرة يعني وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخول ودخلوا على الحبيب بملاك ذلك كله أمران استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة بالله. Tout ça sont des causes par lesquelles le serviteur peut obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une chose fondamentale. C'est une chose fondamentale pour tout mu'min, pour tout croyant, puisque par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala obtient le paradis. Et donc, le serviteur doit préparer son âme à ce genre de choses et ouvrir ses yeux et sa compréhension pour justement arriver à ce degré et à ce niveau-là. Également, le serviteur doit prendre garde à tout ce qui peut annuler ses œuvres ou détruire le bien qu'il fait dans ses actions d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. احذر بعد ذلك من محبطات الأعمال ومبطلات العبادات. قال تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. احذر أن تأتي بأمر يحبط أعمالك ويبطله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, yani que tes œuvres soient annulées ou rendues vaines sans que tu t'en aperçoives. C'est-à-dire que tu dois faire attention pour pas, après avoir fait des bonnes œuvres, que tu fasses quelque chose qui vienne annuler la valeur de tes œuvres et de tes actions pour Allah. فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ عَمَلُهُ وَتَكُونُ أَعْمَالُهُ بَاطِلَةً وَأَعْظَمُ مُبْطِلٍ لِلْأَعْمَالِ وَهَادِمٍ لَهَا الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالْكُفْرُ بِهِ قَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Et donc, parmi les hommes, il y en a qui arriveront au jour de la résurrection et que leurs œuvres seront rejetées et leurs œuvres seront vaines, sans aucune valeur. Et la plus grande chose, parmi les choses qui annulent les œuvres de quelqu'un, c'est le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala ou de commettre des actes de mécréance ou de kufr. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à propos des messagers, et Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant, il t'a été révélé à toi, ainsi qu'à ceux d'entre les prophètes qui sont venus avant toi, que si tu commettais le shirk, c'est-à-dire tu associes avec Allah dans l'adoration, eh bien tes œuvres seront vaines, deviendront vaines, et tu seras du nombre des perdants. Non, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants. وقال عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Et quiconque renie en la foi et rejette la foi, alors ses œuvres seront devenues vaines, et au jour de dans l'au-delà il sera du nombre des perdants. فليحذر العبد من مبطلات الأعمال ومما يبطل العمل الرياء والسمعة وأن تأتي بالعمل على وجه المراءة أو السمعة والذكر عند المخلوقين لا تكون نيته في العمل خالصة لله عز وجل. Également, fais attention aux serviteurs d'Allah, des choses qui annulent les œuvres également. Parmi ces choses-là, yani ar-riya wa sum'a, c'est-à-dire de faire des choses pour te faire voir des gens ou pour te faire entendre des gens, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui agit pour se faire voir des gens ou pour se faire entendre des créatures, son intention n'est pas purement pour Allah, et donc il n'a pas de récompense. وليتأمل في هذا المقام عظيم خوف الصحابة من مبطلات الأعمال مع كمال أعمالهم وصلاح أحوالهم. فهذا ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عظم خوفه أن تشمله عظم خوفه أن تشمله. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابتا بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علما. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال ما شأنك؟ قال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه كان كذا قال كذا وكذا. قال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. Parmi les exemples qui nous montrent la grandeur, justement du fait de craindre les choses qui peuvent annuler nos œuvres et les bonnes œuvres qu'on fait, c'est l'exemple des sahaba qui avaient une grande crainte du fait que leurs œuvres soient annulées et deviennent vaines. Et il y a l'exemple de Thabit ibn Qais ibn Shammas lorsque le verset dans Surat Al-Hujurat a été descendu dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « N'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne parlez pas les uns, n'élevez pas votre voix sur la sienne comme vous le faites l'un vis-à-vis de l'autre pour pas que vos œuvres deviennent vaines alors que vous en aperceviez ou sans que vous le réalisiez. » Et donc, lorsque Yani, Thabit ibn Qays a entendu yani, cette parole ou ce verset, il a eu une grande crainte. Et Anas ibn Malik a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a demandé à son sujet, yani, où est Thabit ibn Qays? Alors un homme a dit, ô messager d'Allah, moi je vais me renseigner, je vais chercher l'information, où se trouve Thabit ibn Qays? Il a trouvé Thabit ibn Qays chez lui, la tête baissée. Alors il lui a demandé, qu'est-ce que tu as? Hein? Il lui a dit, un mal, parce que j'ai élevé ma voix au-dessus de la voix du prophète. Et celui qui élève sa voix au-dessus de la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors, yani, ses œuvres seront annulées et rendues vaines. Pourquoi? Parce que Thabit ibn Qays avait une voix naturellement forte. Alors, il a eu peur que ce verset soit révélé pour lui. Alors, l'homme est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a mentionné qu'est-ce que Thabit ibn Qays a dit. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, va le voir et dis-lui, yani, tu n'es pas du nombre des gens de l'enfer, tu seras du nombre des gens du paradis. Hein? Donc ça c'est la crainte que les sahaba avaient, que leurs œuvres deviennent vaines, et comment yani, ils avaient appliqué les versets qu'ils entendaient selon leur compréhension, et comment le prophète Sam leur a clarifié par la suite la signification de ce verset-là. وَهَذَا ثَوْبَانَ رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا يعني جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. Donc c'est rapporté selon Thauban رضي الله عنه qu'il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je connais des gens de ma umma qui viendront au jour de la résurrection avec des hasanat comme les montagnes de Tuhama, les montagnes blanches de Tuhama. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va faire de ces montagnes de bonnes œuvres, il va les rendre comme de la poussière éparpillée. Alors Thauban a dit, ô messager d'Allah, décris-les-nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont des gens parmi vos frères, hein, de votre peuple, d'entre vous. Ils prennent ce que vous prenez de la nuit, mais lorsqu'ils sont seuls avec les choses qui sont interdites, que Allah a interdites, eh bien, ils le font. Ils font ce que Allah leur a interdit. فَالصَّالِحُونَ كَانُوا يَخَافُونَ مِنْ حُبُوتِ الْأَعْمَالِ وفرق بين الصالحين مع أعمالهم وبين غير الصالحين فغير الصالح يقوم بالعمل ثم يمن بعمله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين بينما الصالح يقوم بالعمل وهو خائف أن يحبط وأن لا يقبل كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت عائشة رضي الله عنها أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر قال لا يا بنت أبي بكر أو يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف أن لا يتقبل منه والله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين أي المتقين لله في الأعمال التي قاموا بها بأن تكون لله خالصة ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة فالصالحون يخافون من حبوط الأعمال. Donc les hommes pieux Ils craignent que leurs œuvres soient annulées. Et il y a une différence entre les pieux et ceux qui ne sont pas pieux dans leurs œuvres. La personne qui est pieuse, lorsqu'elle fait une bonne action, elle se vante de cette action ou elle mentionne cette action-là comme si c'était une faveur qu'elle avait faite, d'avoir fait le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ça dans le Coran. Il dit, ils te mentionnent leur islam, c'est-à-dire leur conversion à l'islam, comme si c'était une faveur qu'ils t'avaient fait une faveur de leur part. Ils te disent, nous sommes devenus musulmans, comme si c'était une faveur qu'ils te faisaient. Dis, ne mentionnez pas votre islam comme étant une faveur pour moi. Mais c'est Allah qui vous a fait une faveur en vous guidant à la foi, si vous êtes véridique. Donc ce n'est pas eux qui ont fait une faveur à Allah ou au prophète sallallahu alayhi wa sallam en devenant musulmans, mais c'est plutôt Allah qui leur a fait une faveur de les guider à l'islam. Tandis que la personne qui est pieuse, elle fait les bonnes œuvres et elle a peur que ces œuvres-là soient annulées et qu'elles ne soient pas acceptées d'Allah et que Allah ne les accepte pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, il dit, et ceux qui donnent ce qu'ils ont donné comme au monde ou comme charité, alors que leur cœur frémisse à l'idée de retourner à leur Seigneur. Aïcha radiallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce verset, est-ce que c'est celui qui fait le zina et qui vole et qui boit de l'alcool? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Il a dit c'est plutôt l'homme qui fait le jeûne, qui donne en sadaqa et qui prie, mais qui craint que ses œuvres ne soient pas acceptées. Et il a mentionné le verset, c'est Allah accepte uniquement des hommes pieux, c'est-à-dire ceux qui font les œuvres uniquement pour Allah avec sincérité et selon l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مما يجب علينا نحو ما أمرنا الله به الثبات وأن يحرص الإنسان على الثبات على الحق والهدى والاستقامة على دين الله إلى الممات. قال سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. فيحرص الإنسان على الاستقامة والثبات على دين الله ويسأل الله تبارك وتعالى دوما أن يثبته. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويجب على المسلم أن يخاف من سوء الختام. يقول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Serviteur d'Allah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que il est obligatoire pour nous d'être ferme sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de rester accroché fermement à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de la vérité, de la guidance jusqu'à la mort. Il a été rapporté selon Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi qui a dit, ô messager d'Allah, dis-moi une parole dans l'islam que je ne vais pas demander à autre que toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dis, je crois en Allah et ensuite mets-toi droit et accroche-toi fermement à la vérité. Istaqim. Et donc l'homme doit s'accrocher et rester ferme sur la religion d'Allah et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il raffermit ceux qui ont cru par une parole ferme dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il est obligatoire aux musulmans de craindre d'avoir une mauvaise fin, une mauvaise conclusion. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un d'entre vous agira et fera les œuvres des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il n'y ait entre lui et le paradis qu'une courte distance, puis il sera yani, dépassé par ce qui a été écrit pour lui dans le livre, et il agira selon l'action des gens de l'enfer, puis il entrera en enfer. ولهذا كان السلف يخافون من السوابق والخواتيم السوابق أي ما سبق له في علم الله والخواتيم أي ما يختم له به في أيامه الأخيرة ولحظاته الأخيرة التي يودع فيها الدنيا فقد قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ولهذا يحتاج المسلم دوما وأبدا أن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يثبته وأن لا يزيغ قلبه تقول أم سلمة كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلت يا رسول الله ما أكثر دعاك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. Et donc les salafs, ils craignaient tout ce qui a rapport avec les choses qui peuvent te faire précéder, hein, qu'est-ce qui a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala dans sa science ou dans qu'est-ce qu'il a prédestiné. Ils craignaient de ça, et ils craignaient également les conclusions des serviteurs, c'est-à-dire que tu termines ta vie par quelque chose de mauvais, tes derniers instants dans cette dunya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont la dernière parole était la ilaha illallah, il entrera au paradis. Et donc le musulman doit toujours rester ferme et accrocher son cœur à la vérité pour ne pas dévier. Et Salama radiallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait toujours, Ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait toujours ça, ô toi qui fais tourner les cœurs, garde mon cœur ferme sur ta religion. Alors elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu fais toujours ce genre d'invocation alors que c'est le messager d'Allah, hein? Et il a répondu, Salama, il n'y a pas un des fils d'Adam, ou il n'y a pas un être humain, excepté que son cœur est entre deux doigts des doigts d'Allah. Et celui qu'il veut, il le fait, il le met droit, et celui qu'il veut, il le fait dévier. Et donc, personne ne doit être en sécurité en sa personne par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, ou penser qu'il est sauvé. Hein, sauvé d'avance, hein, ou que ça y est, il est garanti d'aller au paradis. Non, le croyant doit toujours rester dans la crainte et dans l'espoir, entre la crainte et l'espoir. Et donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire mourir sur la vérité et sur le bien, hein, et de nous faire terminer notre existence dans cette dunya par le bien et par le tawhid et par la foi et la parole de la ilaha illallah. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وارزقنا الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وقوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا استووا اعتدلوا سووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة faites des lignes droites, ne laissez pas d'espace entre vous, fermez vos reins. الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وانت على جنتك ولا إله إلا إنك إنك الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.